Eh ben, il y en a encore. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore. Voilà la chanson Mystère. Bon, c'est bien parce qu'elle nous met de bonne humeur d'entrée. Hein? La musique est à moi. Non, pas tout de suite ta musique, Gabriel, c'est tout à l'heure, je te le dirai, d'accord? Oui. Ok? Donc, cette semaine, lundi, vous aviez des infos de nouveau. Ça fait déjà quand même pratiquement depuis la rentrée que toutes les semaines, c'est les infos, les infos, les infos. Bon, après, c'est bien, hein? Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait dit aussi qu'on inviterait des personnes qui ont des métiers différents, afin de vous faire découvrir un peu ce qu'ils font. Ah, j'ai pas pensé, moi. T'as pas pensé? On a invité le papa Gabriel. Hop. Ben oui, on invitera le papa de Gabriel. Non. Ben, je pense que ça peut être papa, intéressant. Papa, maman. Ta maman aussi, oui? Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman, comme métier? Manger. Elle fait à manger? Oui. Elle est cuisinière? Oui. Ah ben ça, c'est intéressant aussi. Et Nicolas, ta maman, elle fait quoi comme métier? Je sais pas. Ok. Et ton beau papa? Je sais pas, moi. Je sais pas. Il est partisan, ton? Si, je crois. Ouais, ben ça pourrait être un beau témoignage aussi. Partisan? Artisan. Ah, ok, j'ai cru. Ben oui. Et Zinedine? Quoi? Quoi? Ta maman? Mère au foyer? Oui. C'est un beau métier, ça aussi, hein, hein? Oui. Mais oui, c'est pas rien, c'est 24 heures sur 24, là. Mais en foyer. Hein, c'est pas 8 heures, hein. Maman, et toi, ta maman? Oui, tu penses qu'elle viendrait, maman? Non, tata, maman. Maman, elle t'a dit, papa. Là, papa. Papa aussi? Oui. Il est rentré, papa? Non. Ah non. Non, a dit, papa, moi. Et Christopher? Elle travaille pas. Non, mais toi, tu aurais une idée de personne de ton entourage à inviter parce que il a un métier voilà, qui pourrait intéresser les jeunes qui sont ici? Non. Et même les auditeurs? Non. Non, personne. Tu connais personne autour de chez toi Non. Non, bon. Oups. Bon, allez, on commence les infos. Maman. Qui veut donner sa première info? Moi. Alors, bah, Christopher, vas-y. Ouais, j'avais parlé du criminel concerné depuis 2011. Alors, attends, parle doucement, parce que... On parlait du criminel... Non, parle doucement, je veux dire, mais pas vite. Oui. Ouais, vas-y, recommande. Alors, ils vont arrêter quelqu'un, un report, dors lui, c'est ça? Dors lui? Ouais, merci, Mario, vas-y, tu le coupes quand c'est faux. Alors, vas-y, ils ont arrêté quelqu'un... À l'aéroport. L'aéroport. De D'Orly, je crois. Ah, mais j'arrive pas à dire le nom. De Glasgow. Glasgow. C'est où, ça? On l'a dit lundi. En Corse. Angleterre. On l'a dit lundi, hein. Ah, je sais plus, je l'ai sur la bouche. Ça appelle tout près de l'Angleterre, là. C'est l'Irlande. Ah non, l'Irlande. Islande. Islande. Vous savez, la maîtresse, elle est allée en vacances cet été. En Écosse. Ah oui. Bien, voilà. En Écosse. Oui. En Écosse. Oui, alors, c'est quoi que tu nous fais, là? Non. C'est quoi, ça? L'avion. Vas-y, refais voir. L'instrument de musique, on en a parlé lundi. Ah ouais. L'accordéon. Ouais. Refais-le, Zinedine. C'est ça. Non, c'est ça. Ah, tu fais comme ça, tu... Non, non, c'est comme ça, avec des boutons. Ils appuient, là. Ils appuient, comme ça. Alors, ça s'appelle comment? Un accordéon. Cornemuse. Bien. Ah, man, depuis que j'ai... Heureusement, il y en a une qui se rappelle, hein, parce que, dis donc, hein. Oui, alors, vas-y, continue. On a un peu dévié. Mais ça fait rien, c'est pas grave, ça, vas-y. C'était un criminel qui s'est harcé depuis 2011. Donc, ils ont arrêté un criminel... Oui, depuis 2011. Qui était recherché depuis 2011. Parce qu'il a tué toute sa famille. Voilà. Mais le problème... C'était pas lui. Oui. Un sacré... Alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors, à ton avis? En fait, il croyait que c'était Dupont, là. Dupont d'une jeunesse. Oui, oui. Il croyait que c'était lui. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce brave homme? Enfin, il a tué toute sa famille, sa femme, ses enfants. Oui. Un coup de fusil. Oui. Atteint silencieux. Et donc, alors, pourquoi ils étaient si sûrs que c'était lui? Parce qu'ils ont fait des empreintes. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé. Quelqu'un d'anonyme qui avait appelé, là. Disons, ils étaient Dupont, là. Mais une personne anonyme qui a appelé. Oui, il avait donné un coup de téléphone, je crois. Et puis, il y avait les empreintes. Oui, très partiellement, ça correspondait. Ah, ça correspondait. Un très partiellement, pas... Partiellement. Partiellement. Ah, ok. Après, ils ont fait l'ADN, après. Oui. C'était pas lui. Alors, mettez-vous à la place de ce brave monsieur, là. On garde la vue. À l'aéroport, là, tranquille. L'avion, qui se fait arrêter, comme ça, devant tout le monde. Ah. Puis en plus, qu'est-ce qu'il y a eu aussi chez lui? Une perquisition. Ça a retourné la baraque. Oui, oh, ça doit être un peu ça, hein, de toute façon. Ah, hein. Le lit, les armoires. Le pauvre, oh, mais il va rentrer chez lui. Hop, hop, hop, hop. Donc, c'était une erreur. Ouais. Hein? Heureusement qu'ils s'en sont rendus compte vite. Hein. Non, ils arrivent en prison parce pour rien. Quel calvaire. Hein? En prison après. Donc ça veut dire que le vrai coupable, il est toujours... En liberté. Toujours dans la nature. Attends, je vais dire un message s'ils nous écoutent. Oui, ça dépend du message. Hein. Tu veux dire quoi, qu'ils se rendent? Ouais. Eh, Dupont, si tu nous écoutes. Monsieur. Monsieur Dupont, comme ça. Monsieur Dupont, venez nous donner une interview, et voilà. Voilà. Ah, tu veux qu'il vienne te donner une interview? Ah ouais. Ah. Oh là là, c'est ça la toux, là, tu tousses, Zinedine. Eh, on a tous un peu ce blague. Christopher, Monsieur Dupont, il viendrait là. Qu'est-ce que tu aurais comme question? On pourrait tous des questions, moi. Oui, mais qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Pourquoi t'as tué ta famille? Oui. Plein de trucs aussi, hein. Oui. Mais est-ce que tu crois déjà qu'il viendra? Pas qu'il viendrait. Non. Non, pourquoi? Tu vas arrêter. Bah oui, je crois qu'il aurait même pas le temps d'arriver là, assis. Corinne, il y a un message, un autre. T'as un autre message, oui, okay. Alors un message poli. Et pourquoi t'es en Écosse, hein? Reviens en France. Hein. Bah, comment tu sais que toi, il est en Écosse? Et parce que il a dit que... Mais non, c'était pas lui. C'était pas la bonne personne. Une autre. Donc il peut être n'importe où. En Allemagne. En Afrique, aux États-Unis. En Afrique. Bah, il peut être n'importe où. En Australie. J'ai suicidé. Hein. Ah, toi, tu penses qu'il peut aussi... Non, certains disent qu'il s'est suicidé. Ah oui, oui, mais il n'y a pas de corps. C'est la grande, la forêt, hein. Ah, la forêt est grande, qui dit Christopher, oui. Oui, c'est sûr, la forêt est grande, oui. En plus, le mec, il manquait un doigt, en plus, le mec. Qui? Le mec, ils ont arrêté que c'était pas lui, il manquait un doigt. Ah, il lui manquait un doigt. Il n'y avait que 9 doigts. Et aussi là, ses yeux écartés. L'âge, parce qu'il avait pas le même âge. Oui, comme ça, il oui. Il était plus âgé. Oui, je crois. Il manque aussi les yeux écartés. Donc t'as bien suivi l'affaire, toi. Il a 28 ans. Il a 28 ans? Oui, il était plus âgé que ça. 29, je crois. Non, dans les 60, hein, c'est ça? Dans les 60. Attendez, Marion, je vais passer sur un ordinateur. Non, ben, non, tu essayes de dire des infos justes, hein, parce que... Mais je me suis un peu de son âge, hein. Si tu nous dis que des fake news, là, ou alors des infos erronées, hein, ça va pas. Fake news. Ouais. Bon, c'est bon pour... Dupont. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà. Ensuite, qui c'est qui avait une info? Ah, Nicolas, vas-y, on t'écoute. Je sais plus. C'est la fête ici. C'est la fête. Essaye de te rappeler, de quoi tu nous as parlé? La Turquie. Et en guerre contre la Syrie. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Soumis. Qui va bombarder qui? La Turquie, non, parce que la Turquie est armée. C'est la Turquie qui va attaquer la Syrie. qui bombardent la Syrie. Ouais. Puis alors, tu nous as dit quoi par rapport à ça? Qu'il faut se protéger dans les écoles. Oui, bah les gens, ils se cachent, c'est sûr, oui. Ils attendent la nourriture. Et du lait pour bébé. Et puis Vous avez dit autre chose? Ça a explosé, là, non? C'est une autre info, ça. Ah bah, il y a beaucoup d'explosions, oui, mais... Tu nous avais dit que la France et l'Allemagne... Les États-Unis, il avait dit. Pas la France contre l'Allemagne. Non, on parle pas de guerre, là. On a dit... Tu m'avais dit lundi, le président français... Français. Et allemand. Et allemand. Enfin, madame, voilà, Angela Merkel, ont décidé de... Hein, Corinne? Non. Nicolas, j'aimerais qu'ils réfléchissent. Ils ont décidé quoi? Par rapport à la Turquie. Qu'ils arrêtent la guerre, là. Ah bah c'est sûr qu'ils aimeraient que, oui, que les conflits s'arrêtent, mais c'était pas ça. Ils ont décidé que... Que les armes, là. Ah, il y a plus ça vient. Bien, voilà, ça revient. De ne plus livrer d'armes à la... À la Turquie. Voilà, et puis ils boycottent beaucoup de choses, hein, l'acier et tout ça, les livraisons sur la Turquie. Voilà. Bien, Nicolas. Okay. Puis vous citez aussi des autres armes, la Turquie, hein. Il n'y a pas que la France qui donne des armes aussi. C'est les autres pays. Ah bah oui, de toute façon, à mon avis, oui, s'ils en ont besoin, je pense qu'ils peuvent trouver là où ils veulent, hein. Ouais. Ouais. Corinne, il y a aussi des djihadistes qui sont échappés aussi. Des camps, là. C'est des camps de prison, là. Des djihadistes. Oui, il y en a certains qui sont échappés. J'ai entendu ça. Ils sont sauvés. Oui, ils sont sauvés parce qu'il y avait un bombardement. Oui. Alors, ils sont où? Dans la nature. Dans la nature, oui, c'est sûr. Ils se protègent. Ils se protègent. Mais ils ont fermé où? Mais dans les écoles, j'avais dit. Non, les prisonniers des Daesh. Les prisonniers de Daesh? Pas les prisonniers de Daesh. Les terroristes, ils sont enfermés où? Dans quelle prison? Dans quel pays? Mais je sais pas. Contre qui fait la guerre, la Turquie? Contre la Syrie. La Syrie, ils sont emprisonnés en Syrie. La Syrie, quand ils sont bombardés, les mecs, ils s'échappent. Non, tu es informé. Non, mais c'est bien tout ce que tu dis. Pourquoi, Cré, t'avais entendu ça, hein? J'ai entendu ça, oui. T'as pas entendu, Nicolas? Non, j'ai pas entendu ça. Il y en a qui sont échappés de prison. Pourquoi j'étais oublié après que c'était le truc. Ouais. Et toi, Zinedine, t'as entendu parler de ça? Non. Et après, on est mal. Non. Et Camille? Eh, Corinne, on est mal. On est mal. Pourquoi on est mal? Ils sont échappés, ils vont faire des attentats. Oui, faut demander à notre Christopher. Hein. C'est ça que tu te dis, toi? Eh, ils vont faire des attentats partout. À Paris. On va être mal, hein. On va être mal. Ah ben, on peut rien faire, nous, en plus. Qui, nous, là, la à France. Saint-Etienne? Ah, la France. Elle peut rien faire. Parce qu'il me menace de vous envoyer des migrants. Qui menace? Le président, là, la Turquie, là. Il avait dit que si on continue à dire c'est une invasion, ils vont vous envoyer des migrants. Eh ben, c'est pour se protéger de guerre. Hein, Corinne. Vous allez se protéger en France, hein. Ils ont... Ça, les attentats, on ne sait jamais où ça va avoir lieu, en général. Sauf s'il y a des sources comme ça, mais en général, on ne sait pas. Hein. Ils ont peur aussi que Daesh, Daesh soit plus fort maintenant. Ouais, c'est la France qui dit ça? Oui, je crois. Parce que Daesh, il risque d'avoir plus de 2 ans, s'ils s'échappent tous. Mmh. Et même des Français aussi. Qui vont devenir plus forts. Ouais, Daesh pourra enfin revenir. Ah ouais. Je n'ai même pas si Daesh revenait. Le président de Daesh... Non, rien. C'est bon, là? Ouais. Une autre info. Ouais. Alors, ensuite, qui avait une autre info? Nicolas, bah vas-y, hein. Il y a aussi une explosion. Ah. Encore. Où? Si, bah, c'est dans un pays étranger. Oui, mais où? Je sais plus. L'Afrique? Il avait dit, je crois, l'Afrique. Ah oui, il avait dit. L'Afrique. Un truc qui avait explosé. Comment? Coupe pas la parole, Emmanuel. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Il y avait un truc qui avait explosé, là. Oui. Un attentat à la voiture piégée? Voilà. C'est explosé, puis il y a quand même des victimes. Ouais, c'était. Il y a eu une ambulance qui est venue dans la ville. Oui. Du coup, il a eu, le monsieur est parti, il avait une autre voiture qui venait. Donc, des victimes, une fois de plus. À cause de DS. Ça a été revendiqué ? Non. Ah, bah, faut pas dire c'est un tel si on sait pas. DS. Hein? Bon, voilà. Vous moi avez aussi, des commentaires là sur l'info de Nicolas ? Non, moi aussi, j'ai une info. Est-ce que tu as une autre info, Nicolas ? Moi, je peux parler, mais celle de hier, là. Celle de hier ? Ouais, celle de hier, hein, sur la 3, là. Ah. Elle a eu au moins 3, elle a eu au moins 4 prisonniers ou 3 prisonniers. Parce que, en fait, le fourgon, il devait aller je sais plus où, là. Il avait la trace rouge. Puis, c'était le démarre, là. Puis là, arrivé au point, il y a eu 3 prisonniers ou 4 prisonniers qui s'est évadé. Ah, ouais, je suis désolée, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas vu du tout les infos hier. C'est pas moi. On va demander de l'aide à Christopher et Marion. Deuxième Christopher. Hein. Sur la 3. Oui. Alors, il y a eu un accident sur un pont et il y a eu 3 évadés. Non, c'était un camion de policier là. Ah, un camion de policier. Il avançait, puis les troupes bouillonnées sont évadées de camion. Sauf qu'il y en avait un qui essaie de leur fermer la porte. Christopher, Marion. Moi non, mais Chris, ça va être au courant. En fait, il y a eu un fourgon de police. Et puis il y a des prisonniers à l'arrière, et les prisonniers se sont échappés à un feu rouge. J'ai vu qu'il y a une police. Ah oui. Oh la loose. La loose. Ils ont même pas réussi à fermer une porte. La mais 4. Un feu rouge. 3. Est-ce qu'ils les ont rattrapés? Non, ils ne sont pas rattrapés, hein. ils sont partis en courant. Ils ont des véhicules en plus. Oh. Mais quand qui les mecs qui sont partis au feu rouge? Ouais, en fait, ils étaient menottés. Hein. Ils étaient menottés? Ouais, oh, bah, ils ont pas dû aller bien loin, je pense. Hein. Bah, si. Menottés, c'est pas très pratique. Hein. Bah, si, tu peux courir. Derrière, hein. Non, mais derrière, si tu tombes, tu peux pas te relever. Hein. Ouais. 4 prisonniers. Donc, c'est un qui s'est rendu. Ah, il y en a un qui s'est rendu. Ouais, il y en a entendu ça aussi. Et les autres, ils sont dans la nature. Ah oui. En plus elle avait tout, elle avait la police, la gendarmerie, elle avait tout. Et ils étaient combien s'être échappés? 4. Ah oui. Encore, il y en reste encore 3. Ouais. Sauf qu'il y en a qui restent dans le fourgon, il a fermé la porte. Fermé la porte. Bon, ben. Ouais. Ben ils avaient peut-être prévu leur truc, hein. Prendre des couteaux. Ah, il y a peut-être une voiture qui attendait un peu plus loin, la et puis bon, ils sont partis. Ouais, comment ils ont fait pour s'échapper du camion policier? Ah, bah alors là. Tu vas avec les épaules. Ça, c'est un mec qui a mal fermé la porte. Non, c'était un. Le mec, il a oublié de fermer la porte. Mais je crois que ouais, il y avait peut-être qu'un seul gendarme derrière, et puis ils l'ont poussé, et puis ils sont sortis. Ouais. Tranquille. On sait pas trop. Je sais pas, moi. Il n'y avait rien derrière le camion de police. Il était tout seul. Ah, il n'y avait personne avec les prisonniers? Si, il y en avait 2 qui étaient devant, tranquille. Là, ah oui, mais derrière, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ah oui. Puis, boum, ils sont échappés. Tranquille. Bon, ben bah, voilà, c'était hier, ça. Et tu nous avais donné une autre info lundi, Nicolas. J'avais 3 infos. Ah ben oui, hein. Tu nous as dit quoi? Qu'est-ce qui se passait au Japon? Non, c'est Nicolas. Ah, le. Fais pas peur là. Comme ça. Oui. Il y a eu une inondation. Inondation. Inondation. Il y a des inondations, pourquoi? À cause d'un système là qui est sous l'eau. D'un système qui est sous l'eau. Ah, bah vas-y, explique. Que c'est l'eau qui est montée, il a inondé toute la ville. À cause. Je sais plus ce que tu avais dit là. Non, tu confonds. Parce que lundi, on a parlé de typhon, on a parlé de tsunami. Je vous ai expliqué comment ça marchait, un tsunami. C'est un séisme sous l'eau, ce qui fait que ça fait monter une grosse vague et puis quelque part qui va ravager les côtes. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'était pas ça, là, au Japon. C'est un typhon. Zinedine, tu laisses parler Nicolas. On a coupé la porte. Tu as dit que c'était. Je sais plus ce qu'il avait dit. Au Japon. C'était quoi, une tempête Un orage? Non. Un typhon? Un typhon. Ah. Alors c'est quoi un typhon? Comme des volcans là, qui est sous l'eau là. Non, ça c'est le tsunami. C'est pour expliquer le tsunami ça. Mais c'est les volcans qui sont sous l'eau, Corinne. Ça part d'un volcan sous l'eau, le typhon. Non. Non. Mmh. Ça tournoie comme ça. Et ça bouillit l'eau. Après, ça et puis ça part quelque part du sol et puis ça emmène tout puis dans, après, hop, ça, dans son sillon. Après ça recule, puis après l'eau, elle revient à l'eau. Non, bah là, t'es en train de me parler du tsunami, toi. Et après, mais est-ce que le typhon, il emmène l'eau avec lui? Non, non. C'est les maisons. Mais et, tout, et il prend pas naissance dans l'eau, le typhon. Non. Dans les airs. Le typhon? Oui, mais sa source, elle n'est pas là. C'est sous terre, peut-être. Hein. C'est la rencontre des vents, ça, qui fait... Je sais pas, le vent. Bon, alors là, on va attendre que Marion... Attends, Marion. Ouais. Donc c'est la rencontre des vents froids, chauds, non? Bon. Alors, point d'interrogation. Hein. Mais attends, Marion, elle a fait de la pub pour une appli. T'as pas entendu? Qu'est-ce qu'elle a dit de nom? Elle a... Je n'ai pas encore fini. T'as fait de la pub, Marion. Je n'ai pas encore fini, coupe la parole. Oui, vas-y, va. Oh. J'avais pas encore fini qui crie. Mais t'énerves fort. Je suis pas énervé, là. Puis après, là, il y a eu les bateaux, là. Il y a eu les secours, là. Ah. Après, il y a eu même les militaires qui sont venus. Il y a un hélico. Non, mais là, le Japon, les inondations, ça y est, c'est fini. C'est passé ou alors c'est encore actuellement... C'est pas encore passé parce qu'elle avait quand même parlé qui fait des signes. Ah, le typhon, il est toujours sur place. Il tourne toujours... Non, mais c'est l'eau qui passe. Oui, mais là, c'est fini, là. C'est passé. Bah, pas, si, Nicolas, oui, oui, c'est oui. Fini. Alors, donc, tu disais quoi, après? Et les bateaux, là. Les bateaux. Je vois de quoi tu parles, mais c'est pas les bateaux, c'est un bateau. Ah, puis aussi, il n'y avait pas un truc, là, le pétrolier, là, non? Oui, c'est ça. Un alors, bateau pétrolier. Le pétrolier, il est flotté à Roger, il s'est arrêté avant. Il a quoi? Il s'est arrêté avant les rochers. Le pétrolier. Mais c'est même... Oui, tu te confonds avec un autre, là. Là, tu parlais lundi d'un bateau. Un bateau, qui s'est qui était chargé de bobines et tout ça, qui s'est... Arrêté, sur la plage. Échoué. Échoué sur la plage. Oui. C'était où? En Italie. Ah non. Non, il partait de... En France, je crois. En Corse. En Corse. Quand? Il partait la papa. De Corse. Boulot là, papa. Ah, il est pas en Corse, papa. Il est toujours à Paris, là, normalement. Et oui. Musique, à moi. Alors, comment ils vont faire, si vous avez suivi, parce qu'ils en ont reparlé avant-hier, j'ai entendu un truc. Comment ils vont faire pour remettre le bateau à l'eau? Ah, des remorqueurs. Le bateau, il est lourd. Hein. Oui, mais le bateau est très pèse, lourd. Une grue. Il une a grue. Des bobines d'acier dessus. Hein. Et qu'ils enlèvent. C'est très lourd. Hein. Ils enlèvent. Pourquoi il ne pèse pas, mais 500 tonnes, le bateau, là? Oh, bah, le poids, je sais pas. Si, mais ils vont commencer par faire quoi? Enlever l'équipage. Évacuer l'équipage. Enlever l'équipage. Tu penses qu'en enlevant l'équipage, c'est bon, le non. Bateau, il va se remettre à l'eau. Corinne a vu même les pompiers, puis la police aussi qui arrivait. Oui, mais comment ils vont faire pour le remettre à l'eau? Enlever les bobines? Non, première chose. Une grue? Non, ils vont enlever quoi en premier? La cabine. Ce qui est lourd. Ce qui est lourd. Le carburant. Carburant, parce que le carburant, c'est lourd. Voilà. Et ensuite? Ils vont remorquer. Non, ils vont enlever encore autre chose. Les bobines? Voilà. Ils vont remarquer ça, c'est très lourd aussi. C'est lourd. Voilà. Et après, ils vont remarquer le bateau. Alors, à votre avis, pourquoi ils enlèvent le carburant avant les bobines? Parce que le carburant, c'est lourd. Non, parce que le carburant, ça peut se poser. Hein. Le carburant, il peut se poser sinon. Alors, Nicolas, il avance une idée pour des raisons de sécurité. Parce que c'est lourd, l'essence. C'est lourd, ça. S'il y a une fuite, ça peut aller dans l'eau. Ça peut voilà, exploser. Donc c'est aussi pour éviter... La pollution. La pollution. C'est mon passion. Donc c'est ça le plus urgent, vous avez raison. La sécurité, pour éviter une explosion, et aussi la pollution. Pollution. Voilà. C'est bon pour le bateau? Oui, moi aussi j'avais une autre info. Je crois qu'il avait un trou dans la coque, je crois. Une fuite. Non, ils n'ont pas parlé de trou. Une fuite d'eau, mais ils l'ont enlevé, la fuite. Bon, on va passer une deuxième chanson. Ah. À moi. Alors, Marion, tu mets celle que tu veux. Angèle. Angèle, donc c'est pour Zinedine. À moi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai bas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Chanson de Zinedine. Moi. Alors Zinedine, qui c'est qui chantait? Moi. C'est une fille ou un garçon? Fille. Ah. On l'avait dit en plus. Et elle s'appelle? Joséphine. Non. Vas-y, vas-y, Zinedine, continue. Chut, Caroline. Caroline. Que? Angèle. Angèle, ah, voilà. Raison, balance ton quoi. Quoi? Tu l'aimes bien, Jean-Claude? Quoi? L'amoureuse de moi. Ouais. C'est pas parce qu'on aime une chanteuse qu'on est amoureux, Nicolas. Ce sera après. D'accord ? Oui. La prochaine, ce sera pour toi. Hein, c'est Florent Pagny. La mienne. Non, alors, moi. S'il vous plaît, on continue avec les infos. Alors, Nicolas, tu veux donner ta dernière info ? Japon. Le Japon. Non, mais dans quoi ? Le Japon, quoi ? Contre Écosse. Oui, c'était un match de quoi ? De rugby. Voilà. Et ? Ils ont gagné. Qui ? Japon. Japon. Le Japon 28. A gagné, oui. Oui. 28. Oui, arrête, 28. 28 et 21. Voilà. On remercie Marion, hein, parce que sans Marion, ce matin, alors, le match n'avait pas lieu. Donc, fake news. Il y a une fake news. Ouais. Et j'ai moi la gueule qui fake news. Moi la gueule sur moi, la gueule sur voilà. Moi. C'était moi. Toi, tu as regardé. Oui. Ah, moi. Bah, Zinedine a regardé le match. Tu vois, ah non, non, tu parles du foot, là. Non, B. Non, il a regardé le match, là. Oui, ah, B. C'était sur la combien, ça, j'ai même pas vu. C'est un B, ça. On fait pas de pub. Est-ce que c'est important de donner la chaîne? Non. Ah, moi, de gagner. Ah, moi, de gagner, ça. C'est une chaîne, voilà. Oui, moi, il y a une chaîne. Oui, non, dis pas le nom de chaîne. Ah, oui. Il n'y a pas le nom, donc c'est pas grave, ils peuvent dire la une, c'est pas grave. Voilà. Tu as regardé le match, c'est bien, Zinedine. Ouais, mais ce serait bien aussi que tu aies regardé les infos avant. Ah, le téléphone, ou là. Hein, voilà. Non. Alors, on va donner la parole à Christopher maintenant. Ouais. Donne-nous tes J'ai infos. Dieu. Oui. Notre-Dame prendra 5 ans à se faire reconstruire. Notre-Dame. Dame de Paris. Ouais. Celle qui a cramé, là. Qui a brûlé. A brûlé, là. Oui. Cramé, brûlé. Oui. Ça prendra 5 ans. Oui, c'est ce qui a été annoncé. Hein, ça prendrait 5 ans ouais, pour la reconstruire. Ils vont faire tout à l'époque, les tailleurs de pierre. Voilà, ils vont tout remettre. À l'époque. Essayer de remettre un peu à l'original. Hein. Ouais. Sauf à la croix, là. C'est la fesse qui est tombée, là. Oui. Là, ils ne pourront pas le faire, ça, je crois. Ah bah, ce sera jamais la même qu'il y avait avant. Oui. Parce que ça va être... il va falloir la remettre, la refaire. Mais d'abord, ils doivent décontaminer à cause du plomb, là. Ils devront d'abord décontaminer à cause du plomb. Oui, il y a déjà du travail avant, hein, c'est avec sûr. Avec le plomb. Hein. De l'amiante, le plomb. Oh, et puis, alors tu disais qu'ils allaient faire intervenir... Les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre. T'as même, le même public, ils ont le même droit de voir. Oui, mais quoi, tous les gens... Qui vont tailler de la pierre. Les architectes, tailleurs de pierre, des compagnons. Ouais, tout ça. Ouais. Donc, que des spécialistes. Spécialistes. 5 ans de travail. Eh ben, c'est bon pour ça ? Oui. On verra dans 5 ans, hein, si on est encore là, on dira où on est. Où encore on là. Sont les travaux. Encore là. À Notre-Dame. Hein. C'est que je sais ça. Bonne nuit. Détends-toi. Après, tu nous avais donné une autre info. Vas-y. Le foot. Voilà. Donc, il y avait un match. France-Turquie. France-Turquie. Qui a regardé ? Moi. Pas grand monde. Moi, le galet. Non ? Bah, moi, j'ai regardé un petit peu. Moi, le galet, c'est en moi. Attends, laisse-moi parler. Moi, le galet, c'est en moi. Attends, Corinne va nous en parler. Attends, Zinedine. Quelles ont été vos impressions ? C'était bien. La première demi-heure. C'était un peu nul, un peu. C'est nul. Hey, quoi ? On n'arrêtait pas de la sortir, et eux, ils arrivaient pas à tirer. Ça faisait sortir, revenir, faute, sortie. Et après, il y a eu la pause. Est-ce que vous avez remarqué que c'était tendu ? Oui, un peu. Déjà même avant que le match commence. Hein. Mais sur les médias, c'était tendu. Ouais. Et après, première demi-heure, moi j'ai trouvé que c'était... Un peu, ça allait un peu mieux. C'était un peu nul. On a marqué... Non, c'est mieux, après on a marqué un but. Oui. Ouais. Ouais. Parce qu'on m'émerde, moi, quand on a marqué. Alors, est-ce que vous avez regardé jusqu'au bout ? Oui. Non, oui, moi. Non, pas moi. Toi, tu as pas regardé, Gabriel. Non. T'aimes pas le foot ? Non. Non. Moi, j'ai regardé. J'aime bien. Ah, bah t'as regardé ou pas ? Oui. Oui ? Un dernier. Qui c'est qui a gagné ? Monsieur... Monsieur? La France ou la Turquie ? Turquie. Ah non. Égalité. Ouais. Un match nul. Oui. Et les Turcs, ils ont marqué, ils ont fait un militaire. C'est ça, moi. C'est quoi ça ? Alors toi, Nicolas, t'as pas vu jusqu'au bout ? Non. Alors on va demander regarder. À ceux qui... Oui, ben on a compris. On va demander à ceux qui ont regardé. Ouais, j'en ai jusqu'au bout. Christopher et Zinedine. Zinedine, est-ce que tu as regardé le match jusqu'au bout? Dis écoute ça. Non, est-ce que tu as regardé le match jusqu'au bout? Non. Bah comment tu sais qu'ils ont fait le salut militaire? Il a fait comme moi, il a fait ça. C'est ça à la fin, ça. Non, quand ils ont marqué le but, ils ont fait ça. Ah bon? Ah oui, ils ont fait le salut militaire. J'ai regardé le début, mais pas à tout, alors. Mais ils ont fait le salut. C'est cool, ça. Et puis les Français, alors, quand ils ont marqué, ils ont fait le salut. Non, ils ont fait des cotons. Oh. Ils ont fait ouais. Et après, les Turcs, ils ont fait ouais, ils ont couru, ils ont fait. Qui a couru? Celui qui a marqué le but, là. Alors, comment il s'appelle, celui qui a marqué le but? La Turquie? Non, France. C'est plus là, c'était le numéro 7, je crois. C'est Griezmann. Marion? Griezmann, il est 7. On a besoin de toi, s'il te plaît. Toi, tu dis c'est Griezmann. Non. Le bleu? Bah, français. Mais le 7, il est pointe. Griezmann, là, celui qui a les cheveux beaux, comme ça? Il a les cheveux beaux. Non, il ne jouait pas. Oh ah, des soirées musculaires. Pourquoi Giroud n'est pas là, papu? Giroud. C'est Giroud, Corinne. C'est Giroud qui a marqué? Ouais, qui a marqué le but. Ah, hein. Donc c'est pas Griezmann. Hein. Sur une perte d'un corner tiré par Griezmann. Ouais, parce qu'il a eu une faute, là. Si. Après, il a eu un coup pied arrêté des Turquies. Coup pied arrêté. Alors, avec qui ils vont jouer la prochaine fois? Islande. Islande? Non, ils ont déjà joué l'Islande. Ah oui, désolé. C'est plus, là... C'est qui les gens? La prochaine fois, Zinedine, est-ce que tu sais contre qui ils vont jouer? Marion? L'Espagne? Non. Norvège? Italie? États-Unis? Non. L'Irlande? Non. Islande? Paris? Paul. L'Irlande? Non. Canada? Russie? Nevada? C'est... Canada, on joue pour la qualif pour l'Euro, alors je pense pas que le Canada soit dans l'Europe. C'est qui? Espagne. C'est qui les gens? C'est qui les gens? On joue contre la Moldavie. Vas-y. Je crois qu'on a déjà joué contre une fois. C'est des matchs en aller-retour, donc il y a forcément deux matchs. Moldavie. C'est qui ça? Moldavie, c'est une équipe de foot. Plutôt de dire c'est qui. Dis, c'est où? C'est quoi ça où? C'est quoi ça où? C'est quoi? Alors là, on va demander à Google. Hein. On fait pas de pub. Est-ce que c'est vers la Bolivie, tout ça? Moi, je sais pas trop. Hein. Ouais. Moldavie. Corinne n'est pas espérante. On a déjà entendu le nom là, mais dire exactement c'est où. Moldavie. Ouais. Marion va nous aider. Ouais, c'est quoi? La Moldavie. On a joué contre eux comme on a la Coupe du Monde. Ah oui. Moldavie, on a joué contre eux. Ah, c'est quoi ta croisse? Non, pas, croix, pas la finale, je te parle. Pendant les... Quand les qualifications, là. Les qualifications? Oui, voilà, c'est ça. On a joué contre eux, je crois. On les avait battus. Ou nous ont battus. Entre la Roumanie et l'Ukraine. Roumanie et l'Ukraine. Est-ce que c'est près de la Bolivie et tout ça, non? La Bolivie? Oui. Non, la Bolivie, c'était en Amérique du Sud. Il me semble, mais je ne sais pas. Ben, je sais pas. Moldavie, non, c'est pas... Ouais. On laisse tomber. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Marion? Près de l'Ukraine. Voilà. Bon, ben, il faudra peut-être regarder un peu la carte. Hein. Ouais. Okay. Mais... Ah oui, on n'en pas la papille des besoins. Et ça va, ils ont pas sifflé, ça va. Il est blessé, puis même Norris. Ouais, tout le monde est blessé dans l'équipe de France. Non, il y a juste... Que deux. Il y a eu Norris aussi, il est blessé. Ah oui, ouais, là, tout le monde se blesse. Hein. Ah, il y en a que deux. Alors, Gabriel, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Bien. Parce que là, ça fait une demi-heure, pratiquement, tu me demandes ta chanson. Mais tu n'as rien à nous raconter. Non. Si. Si. Ah, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Je sais pas. Tu sais pas. Rien du tout. Pour toi. Bah, je sais pas, toi. Quoi? Tu petit chose, une petite chose, je sais pas moi. Après-midi, tu vas faire quoi? Quoi? Quoi? Tu fais quoi après-midi? Dessin. Tu sais, il fait beau là dehors, hein? Joue. Tu vas jouer dehors? Quoi? Tu vas jouer dehors? Du tout. Oui. C'est tout, rien. Bon, bah, écoute, on va mettre ta chanson pour te faire plaisir, hein. Oui. Parce que tu veux rien nous dire. Eh ben, Marion, c'était Florent Pagny. Attends, les bouillons. Merci. Oh, happy day. When Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, it was the scenes of C'était la chanson à Gabriel Florent Pagny, Oh Happy Day. Oui. Alors, Gabriel, est-ce que c'est toi qui as choisi la chanson-là? Oui. Oui, donc tu connais Florent Pagny? Oui. C'est un garçon ou une fille? Si. Une fille? C'est une fille? Non, c'est des sons. C'est un garçon, oui. Voilà, oui. Et tu l'écoutes souvent, Florent Pagny? Oui, à voiture. Dans la voiture? Ah, alors tu connais d'autres chansons? Oui. Laquelle? Laquelle tu connais? Est-ce que tu peux nous donner un autre titre? Je ne sais pas. La semaine dernière, par exemple, Camille, elle en avait choisi une de Florent Pagny. C'était Bonne nuit, Gabriel. Gabriel baille. Une bouboule à moi. Bouboule. Oui. Tu te rappelles, c'était quoi le titre? C'était Savoir aimer. Alors, Gabriel nous parle de ses bouboules. Marie, tu as des bobos où? Là, ils ont. Le nez, et puis où? Ils ont. Au genou? Là. Ouais, à la joue? Là. Comment ça s'appelle, là? Un sang. Peut-être un... C'est sang. Le sang. Le front. Et là? Là. C'est où, là? Là, nez. Ouais, près du nez, en dessous et au-dessus. Là, et le genou. Et ça va, t'as pas trop mal? Si. Si? Ça te fait quoi alors? Aïe. Aïe. Oui, mais est-ce que tu, par exemple, est-ce que tu as mal la tête? Non. Non. Est-ce que ça tiraille? Et. Ah oui, ça tire un peu. Et. Il faut le temps que ça cicatrise. Hein? Gabriel. Et. Ouais. Moi, j'ai parlé avec Gabriel un jour. Comment? Moi j'ai tombé aussi sur, par terre. Oh bah, ça arrive à tout le monde de tomber. Hein. Ouais, moi je me suis fait mal les deux genoux. Les deux genoux. Le coude. Bien. Mais Gabriel, là, il n'est pas tombé pour la même raison. Hein. Donc on ne va pas en parler là. Hein, c'est pas trop le lieu. Hein, Gabriel? Oui. Et on va passer aux deux dernières infos. Donc il y avait Camille qui nous a parlé de... Stromae. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Stromae? Pop, c'est Camille, on l'a déjà pas entendu de l'émission. Alors, tu nous as dit qu'il y avait eu une manif, hein? Christopher va t'aider, je crois, parce que tu es un peu perdu. Hein. Un bébé à mort. Non, Christopher, vas-y, dis. En fait, Stromae va porter plainte. Peut-être. Peut-être porter plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la musique pour la manifestation, la PPMA. La PPMA, c'est quoi ça, la PPMA? Non, mais la PMA. Voilà. Il y a eu une manif. À Paris. Hein, la PMA, concernant la PMA. Et une chanson de Stromae a été utilisée, laquelle? Papa Outé, Papa Outé. Papa Outé, voilà. Donc, on ne sait pas bah, si Stromae est pour et contre, mais là n'est pas le sujet. C'est que ils se sont servis de sa chanson pour promouvoir leur action. Donc Stromae va visiblement porter plainte. De porter plainte. Voilà. Bah, merci pour l'info, Camille. Hein, à part Stromae, c'est tout ce qu'on a entendu. Hein. Elle a pas grand parole. C'était plusieurs fois. Qu'est-ce que tu dis, Zinedine? Copier musique. Ouais. Non, ils l'ont pas copié, ils l'ont utilisé. C'est quoi? Ils l'ont passé pendant qu'ils manifestaient. Quoi des bourgeois, ça? Papa Outé, tu connais ça? Ah oui. Radio. Et la dernière info, c'est Zinedine. Mais c'est quoi? C'est moi. C'était. Non, c'est pas shampoing, Alors, Christopher va t'aider. Ouais. Alors, c'était quoi? C'est moi qui ai parlé en premier. Oui, mais Zinedine, il avait entendu aussi. Alors, voilà. Bon, allez-y. En fait, c'est une femme voilée. Oh, alors, vous voyez, tu sais pas une femme voilée, hein? C'est vous. Une femme voilée, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, elle est comme ça. Vas-y, Christopher. Elle est en sortie scolaire. Elle accompagnait une sortie scolaire. Et là, un député a dit enlevez-vous le voile. Enlevez votre voile. Ouais. Et ça fait des... Ça parlait, blablabla. Blablabla, blablabla. Et au final... Elle l'a gardé. Voilà, elle l'a gardé. Après, ça fait polémique partout, on entend parler de ça. Oui. Ça fait débat. Parce qu'elle avait un voile sur la tête. Oui. Est-ce que ça valait le coup de faire une polémique comme ça? Non. C'est nado. Hein. Elle a le droit de le garder. Hein. C'est un signe religieux. Hein. Chacun sa religion. Ça l'a pas vu voir, mais c'est beau cheveux. Hein. C'est beau. Tout se respecte. Hein. Qu'on ait une croix autour du cou. Croix. Et moi, il dit croix, moi. La croix. Non, mais ça, c'est une religion aussi, la croix. Ah ouais, nana croix. Catholique. Moi, la croix de Jésus. Nana croix d'aider, moi. Est-ce que je t'ai dit de mettre une croix? Non. J'ai dit, il y a des personnes qui mettent des croix, les autres des voiles. Chacun sa religion. Que l'on doit respecter. D'accord? C'est le message. Le message. Ok. Alors, Christopher, est-ce qu'on peut passer un extrait de la dernière? On peut. On peut? Eh ben, allez. De je sais pas si elle est longue ou quoi. De quoi? Ce qui sont. Bah tu vas voir. Et bien voilà, c'était Nena 99 Loupe Ballon. Bien sûr, c'est moi qui avais choisi, hein, c'est sûr, vous connaissiez pas. Mais Gabriel, t'as aimé. Voilà. Et Christopher a trouvé la langue. Oui, l'allemand. C'était en allemand, voilà. Donc écoutez, il va falloir se quitter. Hein, on se retrouvera le 6 novembre après les vacances. Soit mon anniversaire, Corinne. Au revoir. Au revoir. On souhaite de bonnes vacances. Bon matin. On souhaite de bonnes vacances. Au revoir. Et à bientôt au 6 novembre. Au revoir. Dans le partage aux amis, en voiture mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot on parle tellement ensemble que des